Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de lutte en fin de semaine. C'est la lutte JCW qui se déroule actuellement à Chibougamau. Ça va se dérouler samedi. Et la lutte JCW, on connaît beaucoup au Saguenay. Ça fonctionne très, très bien. À Jonquière tous les samedis soirs. Et c'est un arrêt à Chibougamau. Ils ont été, si je m'abuse, également à Saint-Félicien. On en parle avec Yannick Harvey. Salut Yannick. Salut. Yannick, ça va? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps. On se parlait de ça. Ben, on s'est parlé de l'année passée de lutte aussi, mais on se parlait de soccer aussi, plus aussi. On se connaît plus dans le soccer. Ouais. Mais toi, finalement, je sais que tu es un grand amateur de lutte. Donc, étant fin même. Donc, la lutte JCW qui s'arrête en fin de semaine à Chibougamau. Parle-moi de ça. Oui, ben effectivement. Alors, samedi le 27 avril, à l'Arena de Chibougamau, la JCW débarque pour une troisième fois en trois ans à Chibougamau. Okay. C'est un événement, dans le fond, qui permet de faire aussi une levée de fonds pour les activités des étudiants, des étudiantes du Centre d'études collégiales à Chibougamau. C'est un peu, justement, les étudiants, là, avec l'aide des enseignants qui organisent l'événement. Puis, dans le fond, on engage la JCW pour venir faire un spectacle ici à l'Arena. OK. Il y a combien de lutteurs à la lutte JCW, hein? En tout, là, je dirais, il y en a sûrement 35-40. OK. Et pour chacun des spectacles, ça dépend. Comme en fin de semaine, je te dirais, les premières éditions qu'on a faites ici, là, on avait une quinzaine de lutteurs. Puis là, en fin de semaine, on est autour de 24-25 lutteurs. Là. Très bon pareil, parce que Chibougamau, c'est pas à côté, hein? Non, mais ça va donner un excellent spectacle. On parle de plus de 7 combats. Dont un tout nouveau combat jamais présenté à la JCW, qui est le combat JCW déchaîné, qui implique dans le fond 6 lutteurs, dont 2 qui commencent le combat dans le ring, puis les 4 autres, dans le fond, sont menottés aux 4 poteaux du ring à l'extérieur, bien sûr, en bas du tapis. Puis après un certain temps, on parle d'environ 3-4 minutes, il y a un décompte qui va apparaître sur l'écran géant. Okay. Puis après, décompte, ben, dans le fond, il y a la musique d'un des lutteurs qui va jouer. Puis ça, dans ce lutteur-là, va être justement déchaîné d'une certaine façon pour rentrer dans le combat. C'est un combat d'élimination sans disqualification, ce qui signifie que les chaises, les tables, les armes cachées en ligne pourront être utilisées. Hey, puis ça, j'imagine que, comme la lutte n'est pas arrangée, j'imagine qu'il n'y a pas eu de pratique hein, pour Il n'y a aucune pratique. Ouais. Maintenant pour ça. Ok. T'as le jour comme je suis là. Ok. Dis-moi, c'est-tu pour une levée de fonds? C'est-tu pour une levée de fonds pour une cause particulière? Cette année, c'est seulement que c'est le financement des activités étudiantes, des projets étudiants, projets éducatifs, voyages éducatifs, ces choses-là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de programmes d'étudiants de différents programmes, sciences humaines, sciences de la nature, techniques de milieu naturel, comptabilité, gestion, qui participent à l'événement, qui donnent du temps, du bénévolat, qui vendent des billets aussi dans leurs réseaux sociaux, puis toutes ces choses-là. Puis, dans le fond, c'est pour financer ces activités-là. Les autres années, on avait eu la Croix-Rouge qui s'était greffée à nous l'an dernier. Puis, la première année qu'on l'a réalisé, dans le fond, la levée de fonds et l'organisation d'un spectacle de lutte professionnelle comme ça, c'était pour financer le voyage étudiant en Afrique pour les étudiants, okay. Tradition étudiante en éducation spécialisée. Fait que d'année en année, les projets changent, mais dans le fond, les levées de fonds sont les mêmes pour aussi tout le temps pour les étudiants et les étudiants du centre d'études collégiales. OK. Donc, et les gens à Chibougamau, les billets, comment que ça se vend? Ça se vend-tu bien? C'est, j'imagine, un show de lutte comme ça. Oui. Donc, s'il y a 24 lutteurs qui font des... Parce que le circuit part de Jonquière, j'imagine que les lutteurs partent le matin même de Jonquière, autour de 10 heures, arrivent autour de 2 heures, 3 heures de l'après-midi, commencent à s'étirer un peu, montent bien sûr le ring, parce que le ring... est transporté aussi dans le camion qui suit les lutteurs. Okay. C'est le ring de la JCW au local de la JCW sur le boulevard Harvey. alors qu'il est déplacé, qui est amené ici. Il y a de la musique, il y a de l'éclairage, son lumière, toute la patente là, pour un gros spectacle de cette envergure-là. Puis les deux dernières représentations qui ont été faites en 2017-2018, ça a attiré, je te dirais, 400 personnes. On s'attend à avoir à peu près 400 autour de ces chiffres-là. Si on dépasse ça, tant mieux, on va être bien satisfait. OK. 400 personnes, c'est quand même du monde pareil. C'est vraiment, ah ouais, vraiment intéressant. Au début, le premier spectacle que vous avez fait, c'était combien? Vous aviez combien de monde? C'est ça, je te dis, 400. On tourne toujours autour de 400. Ah, OK, 400. Mais la première année, c'était... On l'avait fait Salcombe dans le gymnase du centre d'études collégiales. C'était assez jam-pack pour avec cette expression-là, là, pour dire on était bien tassés. Puis c'est pour ça qu'on a décidé l'année suivante, on a dit, ben on va l'essayer voir à l'aréna, voir qu'est-ce que ça dit. Peut-être qu'il va y avoir plus de gens puis tout ça. Puis au final, on est tombé à peu près dans les mêmes chiffres. Okay. Faut comprendre aussi qu'on était dans les vacances d'été la dernière fois qu'on l'a fait. On l'a fait le 18 août 2018. Ah, okay. Fait que les gens étaient partis encore en vacances, tout ça. Fait que on s'est dit on va changer l'événement de date. On va le placer plus peut-être entre saisons, là. Entre les sports d'hiver et les sports d'été, fin avril, ça devrait être bien. Ben oui. On va voir ce que ça va donner. On voit à date, la vente est quand même bien. Puis ça suit son cours. On s'attend à avoir bien du monde samedi qui vient. Il faut vraiment être passionné pour faire ça. Toi, je sais que tu fais quoi? Ça fait 2-3 ans que tu fais de la lutte? Comment? C'est ma quatrième année. Quatrième année, OK. Donc, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu aimes ça pareil? Parce que là, il faut que tu te mettes en forme. Pareil pas, mais il faut être en forme aussi, là. Effectivement. Ben, je te dirais que la plupart des lutteurs vont s'entraîner au gym la semaine. Puis lorsqu'arrivent les fins de semaine, bien, ça se passe entre les cadres. Je veux dire, on rentre dans le ring, puis on a... Il y a une effervescence, il y a de l'adrénaline, il y a une chimie des fois qui se passe aussi avec l'autre lutteur, puis les combats des fois sont extraordinaires. Là. Tout dépendamment avec quel lutteur qu'on lutte, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent dans le ring. Comme je pense que je l'ai mentionné, il y a deux filles là, qui vont combattre ici à Chibougamau cette semaine. Là. Si Galavis, puis la parfaite Caroline qui lutte à Jonquière. Si se promène je te dirais, partout au Québec, puis même qu'elle a été invitée dernièrement au camp de formation Ring of Honor aux États-Unis. Fait que ça pourrait être une fille qui pourrait percer là dans la lutte professionnelle aux États-Unis. OK. C'est pas mal de fois. Toi, t'en fais-tu pas mal à Jonquière aussi? Tu portes ça toutes les fins de semaine parce qu'il y en a pas mal. Je te dirais que mon personnage, Sabotage Mark Coleman, depuis l'an passé, j'ai remporté quand même quelques ceintures en équipe, puis ceintures provinciales à la JCW. Okay. Puis depuis ce temps-là, j'étais allé lutter 3-4 fois à Québec pour la NSPW. Puis dernièrement, cet hiver, j'étais allé lutter à Bois-Brillant pour la NCW. On m'a demandé la première fois de remplacer un lutteur qui était blessé. Puis il y a ça 2 semaines, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit hey, ça te tendrait-tu de venir, tu pourrais monter avec un lutteur, tel autre lutteur, puis on s'organise un auto pour monter une gang. Okay. Puis j'ai fait un combat là-bas, ça a super bien été. J'aime bien l'ambiance, ça, là, des coulisses, puis les combats dans le ring, c'est toujours le fun. Fait différent de soccer, hein? J'ai pas perdu cette passion-là encore. Fait différent du soccer? Ouais, effectivement. Le soccer, on continue l'été de temps en temps. J'entraîne encore. Je suis sorti un peu de l'administration. Ouais. Je donne encore du temps quand c'est ça, là, au soccer. Puis je sais que mes enfants sont encore passionnés encore de tout ça, puis ils aiment bien ça. Fait qu'ils embarquent aussi avec moi l'été quand c'est le temps de faire du bénévolat. Bon, ben Yannick, les gens qui veulent se procurer encore des billets, qui sont à l'écoute, qui veulent se procurer des billets, comment on fait? Alors, pour les billets, bien, il y a deux points de vente à Chibougamau. C'est la Tabagie Méril et le dépanneur L'Iceberg. Si vous voulez des billets, vous êtes à l'extérieur, ils peuvent toujours me contacter sur ma page Facebook en privé, bien sûr. Alors, message privé, Yannick Harvey. ou encore sur ma page de lutteur Sabotage Mark Coleman. Ça va me faire un plaisir de leur répondre et de leur réserver des billets qui pourront être à la porte, dans le fond. Là. Les gens pourront en venir, puis on va leur avoir mis ça dans une petite enveloppe, puis ils restent bien à payer, puis à apprécier le spectacle. Il va y avoir, bien sûr, service de bar inclus durant la soirée, puis du grand plaisir.